Je m'appelle Yolette André Gentil, je suis une Haïtienne, je reviens d'Haïti et je travaille avec les femmes victimes de violences sexuelles et conjugales. Je fais ce travail, je défends les droits de l'homme parce que de nature, je suis une personne qui est naturellement contre l'injustice. Et cette idée m'est venue. Et alors que je travaillais dans les provinces d'Haïti avec quatre autres amies, c'était des femmes et à l'intérieur des projets de développement. Nous avons vu la condition de vie des femmes paysannes qui est une vie vraiment horrible. Ça nous a affectés. Et c'est des personnes qu'on faisait travailler comme des bêtes de somme, à s'occuper de la famille, des enfants, mais jamais un regard pour elles. Donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour changer cette condition. C'est ainsi que pendant un an, on s'est mis ensemble à réfléchir sur la meilleure façon de faire pour changer cette situation-là, cette condition-là. Et un an plus tard, on a réalisé qu'une organisation de femmes était l'instrument idéal qui nous permettrait d'arriver à changer les conditions de vie de ces femmes. C'est ainsi qu'on a mis sur pied une organisation et qui avait pour nom AKF, mais que la population féminine, on avait notre local dans un marché public, le fait par les femmes de venir participer à nos activités, ils disaient qu'elle allait à la maison des femmes en créole Kaifam. Donc quand on a voulu mettre une enseigne, quelques mois plus tard, on a réalisé qu'on nous connaissait davantage sous l'appellation de CAIFAM plutôt que le nom qu'on s'était donné à AKF. C'est ainsi que nous avons décidé de garder l'appellation sous laquelle on nous connaissait, CAIFAM. On est devenu CAIFAM, la Maison des Femmes, une organisation qui accompagne les femmes et les filles victimes de violences sexuelles et conjugales et qui mène des activités de plaidoyer, qui mène des activités de sensibilisation pour changer les mentalités négatives envers les femmes.